Miette, tu vendais des violettes quand je t'ai connue, souviens-toi. Modeste comme ces fleurs simplettes, ta grâce me mit en émoi. Et depuis cet instant, je chante en te voyant. Miette, toi si jolie, si jolie est. J'aime tes yeux resplendis, l'éclat du soleil du midi. Mamie, jolie, toi ma raison et ma folie. Mon cœur t'appartient pour toujours, Miette, mes amours. Timide, tu me dis, mademoiselle, quelle belle journée de printemps. Moqueuse, va, je me le rappelle, tu m'as ri au nez gentiment. J'ai ri car souviens-toi, il pleuvait à torrent. Miette, toi si jolie, si jolie est. J'aime tes yeux resplendis, l'éclat du soleil du midi. Mamie, jolie, toi ma raison et ma folie. Mon cœur t'appartient pour toujours, Miette, mes amours. J'aime tes yeux où resplendit l'éclat du soleil.